faire, comment ça se passe ici? Ici c'est acédique, intérim, Coto Rep et RMI. Ceux qui s'endorment à l'heure du crime se réveillent au TGI. Ici c'est les bons de la CAF, les cartes de CMU. Beaucoup qui taffent dur pour claquer la paye au PMU. En stress les CRS viennent quadriller la ZUB. On est harcelés par la BAC et pistés par les stupes. C'est des contrôles d'identité tous les quarts d'heure. Tous les quarts d'heure. Y'a les braqueurs, les dealers et les carteurs. Et les carteurs. Chacun sa vie, chacun sa vie, chacun sa mère, chacun sa mère. Tout a un prix, moi je fais mon bis, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Faut rien lâcher, faut rien lâcher. Fais tes affaires, fais tes affaires. Tu veux la paix, tu veux la paix. Prépare la guerre. Pour tous les détails, tous les vibes, tous les styles, tous les accents, des détails, je me prends vite.